premiers pas. Et je retiens mon jeu sur un air d'Angola qui s'entête pour qu'on danse ce drôle de tangola qui ressasse sa cadence. C'est sur ma bossa tes fleurs qui en bas. Viens, nous les effeuillerons ensemble. Un, pas de deux, pas de trois, que l'on marque parfois pour ne pas marquer mal. Quand le temps se décale, viens dans ma quison. Ferme les yeux pour découvrir celle.